Vendredi 27 janvier 2017, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bon. C'est raide. Pourquoi je commence toujours aussi abruptement? Non, mais... Ah oui, attendez, là. Là, faut pas commencer... Peux-tu faire mon poème? Oui. Oui, tu peux faire ton poème, mais tout à l'heure. On va dire bonjour à nos amis qui s'intonisent CKRL. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que la semaine a été sublime, extraordinaire, merveilleuse. Que vous avez appris des choses, compris des stratégies existentialistes. Peut-être même que vous avez fait une recherche sur vous-même. Écrivez-moi pour tout me dévoiler dans le moindre détail, parce que depuis Conférence Rénaldienne, il y a eu une évolution. La seule personne qui a stagné, c'est moi. Depuis les couches jusqu'à maintenant, encore les couches, j'ai pas fait grand-chose d'intellectuel. J'ai pas fait grand-chose au niveau intellectuel. Bon, j'ai appris à tenir un crayon, à signer mon nom, en lettres attachées ou en lettres carrées. Déjà là. Quand quelqu'un te dit en lettres cursives, tu dis « Oh! » Il y a quand même une hiérarchie éducationnelle. Il a fait quelques institutions. Il a monté lui aussi. Là, il est au niveau de la... Hein, bon, il est pas là. Il est là. Il est pas là. Il est là. En haut, en haut. C'est bien de miser en haut. Miser haut. Il faut faire attention pour la chute. Parce que lorsqu'on tombe, lorsqu'on est si haut, ça fait mal en « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, ça fait mal. On se la cogne. L'ego, là, pouing! C'est plus rendu un ego. Non, c'est rendu, mon ami. Je savais même pas que c'était plat de même, l'ego, moi, là. Parce qu'on m'a toujours dit... Il y a quelque chose de tridimensionnel dans l'ego. Tu sais, c'est comme ça que je voulais le voir, moi, là. C'est pas une structure liquide. Hein? Une structure, c'est jamais liquide. Voyons d'autres, oui. Sauf que... Ah non, mais c'est... Ah, il n'y a pas signochon. Les cornichons sont pas tous... mais toi, t'as... Non. Quand c'est glacé, ça peut devenir une structure. Mais quand ça fond, ça devient liquide. Quoique un liquide qui gèle... est un liquide qui se tient. Tandis que la mer, le ruisseau, le petit pupitre du matin, ça coule de source. Tu sais, le soir, là, tu regardes un peu dans ton frigo pour essayer, éventuellement, si tu n'arrives pas à dormir, réfléchir sur ce que tu vas manger le lendemain. En tout cas, moi, je suis comme ça. Ou boire, tu sais. Est-ce qu'il me reste... J'aime pas ça, le lait, moi. J'en ai pas, parce que je me regarde régulièrement dans le miroir. Il y a un lait, là. On mettra pas un lait dans le frigo. Je vais me voir partout. Mais vous allez me dire, la conjugaison, mais l'épellation n'est pas la même. Entièrement raison. Lait, c'est pas le même lait. Moi, elle a idée. Liquide blanchâtre venant de la vache ou de la chèvre, Elle a IT. Quoique, elle a le lait maternel. Elle a IT. Moi, elle a ID. Elle a l'idée de me dire, écoute, si tu t'apprécies pas dans ta juste démesure faciale, regarde-moi ça, tout est en train de... La déchéance a un nom. Oui, un prénom surtout, oui, OK. Et en parlant de déchéance, ben enlève tous tes miroirs. Tu seras jamais déçu. Pas de miroir. Ben oui, mais là, avant de quitter pour le boulot, là, comment puis-je savoir s'il n'y a pas un petit... c'est mieux de... Au moins visualiser. Puis là, il m'est venu une idée. Une fenêtre. Tu te vois pas. Il y a le reflet. Déjà là, le reflet, c'est moins pire. Tu te vois pas tout à fait. Tu sais, c'est comme une silhouette. Silhouette. Silhouettes anonymes, up to date, old fashion, silhouettes passagères, jamais je ne saurai ce qu'elle était. C'est une chanson de Tom Novembre. Tom Novembre, T-O-M, novembre comme le mois de novembre. Tom Novembre. On associe souvent Tom Novembre et Charlie Couture comme étant des frères. Pas certain encore, moi, là. Si vous le savez, Renal Québec à commercial.com. On comprend pas, tu vas trop vite! Ralentis, va lentement sur la pédale. En parlant de pédale, j'ai un problème de... On sait, t'es constant. Toi-même, là, à deux pattes, on peut dire que t'es un problème infranchissable. Oui, mais là, moi, c'est pire que ça. Je sais pas si c'est mon aqueduc ou ma toilette. Ma chambre d'aisance? C'est pas une chambre d'aisance? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Oh, je suis totalement heureux d'y être. Je suis comme Cléopâtre. Je m'étale devant mes tigres. Mes tigresses. En meluche moutarde, laitue mayonnaise, pas trop d'oignons. Et là, je m'attends là-dedans, là, je suis heureux comme un petit rossignol qui chante Alléluia en anglais devant des francophones unilingues. Si tu te trompes, ils savent pas. Tu continues, tu fais semblant de la connaître. Puis eux autres vont t'applaudir et vont dire un rappel, hein? Comme tu es un anglophone, disons un anglophone, tu peux pas répéter parce que le répéter, tu comprends pas. C'est un anglophone! Tu comprends pas le français! C'est quand même... Où tu vas en Chine, une tournée en Chine! Tu fais tes 18 chansons! C'est un bide total, ils ont pas applaudi dans aucune des... Parce que tu connais pas la culture chinoise! Oui, ils vont applaudir, mais à la fin du récital, à la fin du concert! Pas compliqué, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais si tu le sais pas, c'est... Veux-tu faire mon poème? Oui. Non, il veut le faire, son poème. Là. Ça fait 6 jours qu'il se pratique, puis si je l'amène pas, ben, je crois que sa mère va me lancer des bêtises et également tirer quelques fringues que j'ai apportées chez elle, parce qu'on commence quand même notre concubinage. Elle est monoparentale. Elle a 28 ans. Elle est enceinte d'un autre enfant. Moi, je ne sais pas si c'est un enfant, mais elle est enceinte. C'est pas de moi. Elle trouvait trop violent. Elle m'a dit, oh, je préfère me séparer. S'ils commencent ça à la maison, mes enfants vont voir ça, moi, la violence. Mais oui, mais... T'as pas fait... J'ai pas fait, mais j'ai dit chenelle. Puis? Ben, il a chenellé. Puis moi, je t'y vais arriver, mon petit pigeon. Ben oui, là, on cherchait mes lunettes, j'étais à quatre pattes. Et... Oui, mais je pensais vous êtes... Monsieur... Ben, au début, je te vous voyais. T'as l'air tellement vieux. Merci. Ah non, mais je fais pas mon âge. Ah non, tu fais pas ton âge, voilà, Raymond. Il y a tellement de voix, c'est quoi? Eh oui! Bon, alors, le petit poème. Non, mais je me suis confondu. J'ai pas fait assez de tranchées sonores pour reconnaître le personnage de la fille, puis bon... C'est clairement un poème? Oui, oui. Bon. Alors, là, si tu veux faire ton poème, redis-le encore. C'est clairement un poème? Tu peux faire ton poème, mais sors du magnéto pour apparaître au micro. OK? Alors là, comme nous sommes à CKRL, c'est une radio associative, la première francophone au monde, c'est merveilleux, on l'applaudit, on l'aime, on la french depuis bien des années. Elle adore ça, se faire frencher. Oh là là là là là, tu sais, elle connaît ça. Elle connaît la langue française. Oh la petite... nous, on peut faire de la magie, surtout à Errance Rénaldienne, CKRL, association très, très, très intéressante, puisque c'est... c'est un peu le dentiste, il m'a dit... c'est l'amalgame. Hein, s'il y a des dentistes, y a-t-il des dentistes qui nous écoutent? Minuit 10, ils doivent dormir, sinon ça va trembler le matin, puis je pense bien que les plombages vont ressembler à une toile de Telly Pepper. Oh, vous êtes allé à l'exposition de Telly Pepper? Oui, monsieur! Oui, écoute, j'ai rien contre l'art, comment t'appelles ça? C'est de l'art contemplatif. Contemplatif! Il n'a pas contemplé longtemps pour envoyer quelques garages de peinture sur une belle toile! Une toile! Et moi, quand je regardais ça au début, je me suis dit... On est devant une guenille! Le bonhomme essuie ses pinceaux! Puis il nous fait dire, oh, c'est de l'art nouveau! Je connais l'écriture nouvelle, moi, là, quand tu changes ton crayon, quand tu changes de cahier, c'est une écriture nouvelle, là, c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même papier, pas jeté à la même place, pas même, tu sais, ça n'a pas été fabriqué au même moment, donc c'est nouveau. Mais là, ils ont créé un mouvement un peu comme la Nouvelle Vague. Connais-tu ça, la Nouvelle Vague? Ben oui, ben voyons donc, Nouvelle Vague, cinéma français. Le cinéma français, exactement. Au Québec, on a eu aussi on a eu la Nouvelle Vague, mais silencieuse. Si on filmait dans le noir, on projetait ça au grand jour, on voyait rien nulle part, c'était merveilleux, c'était silencieux, c'était irréel, c'était non visuel, non sonore. Ça coûtait cher en Simonac, allez voir ça. C'est moi, le premier spectacle, le premier spectacle cinématographique. Ça s'est passé en 70, après l'expo. Puis là, on m'a appris à ce moment-là qu'on avait tenté de proposer, comment t'appelles ça, dans card, le street card, le B-card. B-card, Madame de Sault. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Avoir su, je ne l'aurais pas dit, cette affaire-là. Comment t'appelles? Split screen! Baudelaire, après ça, split screen. C'est-à-dire que tu prends ton écran split dans le sens de split, là. Comme Lio chantait Banana Split. Mais là, tu split ton écran. Donc, tu divises, tu tranches. Tu casses. Tu massacres! Mais massacrer, peut-être pas. C'est quand même un synonyme très violent. Là. Mais tu divises ton écran en deux. Et un des premiers films à avoir utilisé le split screen. C'est pas une blague, c'est vrai, là. L'étrangleur de Boston. L'avez-vous vu, l'étrangleur de Boston? Split screen. L'étrangleur à droite. La femme qui va se faire agresser à gauche. Association d'images. Donc, on montre que c'est dans le même espace-temps, mais à des endroits différents. Espace-temps, moment différent. Tu sais, espace, c'est pas là, là, mais c'est là. Il est 22... OK, on va prendre l'exemple maintenant. Il est minuit 14 et 26 secondes, OK? Ça sonne à la porte. Donc, on vous voit devant votre radio, en train de vous bidonner ou pleurer ou d'arrêter le signal, mais vous êtes incapable parce que nous bloquons, bien sûr, les circuits de votre cerveau pour que vous puissiez nous écouter par obligation. Vous êtes obligé, là. Vous n'avez pas le choix, là. On n'a pas dit... Bonjour, placez-vous devant votre micro, de rester là devant vous, de écouter, de ring, ring, ring, nous allons vous endormir, ring, ring, ring, on va vous hypnotiser. Ding, dong! ding-dong! Ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte, ça fait ding-dong! Hey. Fait que là, on voit le gars qui est en train de sonner, puis on vous voit devant votre radio, là, hypnotisé. C'est entre le rire, le dégoût, le ragoût, puis le igloo. T'sais, c'est tout ça en même temps. Vous vous levez, on le voit, ça, là. Vous vous dirigez vers la porte, on voit le bonhomme qui est là, puis qui, avec son doigt, cache le Judas, celui qui a donné Jésus, le pas gentil, le crotté de service. Alors, il met le doigt sur le crotté de service, le Judas. Fait que là, toi, t'essaies de regarder. C'est qui? Là, tu te proches dedans, tu te rapproches du trou. Le bon trou, là, le Judas, le crotté. Là, t'es collé devant ta porte. Je vois rien. Il est quand même minuit 16. C'est tard, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui va me demander du café, du sucre, de la crème. Ma voisine est dehors et couchée. En plus, elle a un nouveau copain. Ça crie depuis tantôt. Mon Dieu Seigneur, elle commence à se faire battre. Ouais, ou peut-être, je sais pas. C'est des jeux érotiques. Moi, je connais pas ça, les jeux érotiques. Mais, mon Dieu Seigneur, qui peut être là? J'ose. Ah, ça peut être l'errant rénaldien. C'est assez cinglé pour faire être à la radio et être devant la porte. Êtes-vous Rénal Gagné? Ça répond pas. Ça fait ding-dong! Et là, on entend la musique hitchcockienne. Mais c'est pas Hitchcock, là. C'est hitchcockienne. C'est pas Hitchcock, ça. Ben, écoute, ben, là, on va s'enlever la ceinture puis on va se diluer le tympan. On sent la tension. Je crois bien que je vais ouvrir. S'ils sont trompés, puis c'est une pizza qui m'arrive des repérettes, des rochaudes. Hein? C'est une innocente. Hein? Bambi, là, c'est la même affaire. Là. Cette dame-là, puis Bambi, je vais ouvrir la porte. Ouvre la porte. Bang! C'est l'étrangleur de Boston. Split screen. Intéressant, cette affaire-là. Là. Là, nous, on n'effectuera pas un split screen, on vient d'accrocher le micro, mais on va laisser notre petit Saturnin. Oui, petit Saturnin. On l'a invité, mais comme c'était trop tard pour lui, à cette heure-ci, il dort, nous avons l'enregistrement. Donc, on va sortir le petit Saturnin de son magnéto pour l'amener devant le micro. Oui, c'est maintenant que ça se passe. Alors, on le fait sortir du magnéto, OK? Écoutez, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne veux pas non plus, demain matin, lire dans les journaux qu'il y a eu un grave problème sociétal à cause du fait que le petit est sorti du magnéto et vous étiez trop près de votre radio. S'il vous plaît, reculez-vous de quelques centimètres. Moi, je suis encore au pied, j'en ai tellement eu au derrière lorsque j'étais enfant. Placez-vous au moins à 10 pieds de votre pas micro, mais de votre radio. 10 pieds. On vous laisse le temps. OK? Enlevez les chaises, les tables. Prenez pas de chance. Puis si vous pouvez vous placer en dessous de la table, ce serait peut-être mieux. OK? C'est comme un tremblement de terre. On ne sait plus ce qui va se passer. On est débordé. On se sent tout à fait. On est déraciné. On est comme un peuple qui cherche son avenir. OK, restez loin. Okay. Vous êtes prêts? Alors, on fait sortir le bambin du magnéto, OK? Oui. OK, maintenant, prépare-toi. Sors du magnéto. Allô? C'est moi. Bon, c'est des effets. On a des effets spéciaux. Alors, je vais dire mon poème. Bonjour. Ça va bien? Oui. Okay. Bonjour. 1, 2, 1, 2. Je n'ai pas compté jusqu'à 4. Oui, je viens de le faire. Moi, je veux remplacer le monsieur pour faire de la radio comme lui, puis être pas drôle, puis faire ça. Allô? OK. Alors, voyage. Voyage, je me suis pratiqué toute la semaine, j'espère de ne pas me tromper. Mais parlez pas, riez pas, respirez plus. Arrêtez de vivre. Merci. Bonjour. Voyage. C'est-tu normal, l'écho comme ça, là? On m'entend bien, oui? OK. Excusez. J'ai comme que... C'est l'énervement, peut-être. Moi, j'ai fait du théâtre de variété avec Gilles Malhumite. Voyage. Gilles Lapulipe, la mulite, la cellulite. J'ai pas de cellulite, je suis trop petit pour cellulite. Puis je connais ça, c'est une cellulite. Mon papa dit que ma maman connaissait. Voyage! C'est le poème, c'est Ernest Pirochon. Le monsieur, il s'appelle Ernest Pirochon. Ernest Pirochon. C'est un Français. Bon, OK. Voyage! Excusez. Allô? Ernest Pirochon. Mais c'est pas le titre du poème, c'est celui qui l'a écrit. Le titre du poème, c'est Voyage. Voyage, voyage! Non, je passe, non. Voyage. D'Ernest Pirochon. Je voudrais faire des voyages. Aller très vite. Aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête. La patinette fuit sous moi. Je tiens à dire là, aux gens là, que lorsque nous avons appris à aller à petite école, l'Ernest Pirochon, Cabochon, ce n'était pas patinette, mais c'était trottinette. Mais là, le petit jeune a dit patinette parce que c'est patinette qu'Ernest Cabochon a... Voyage! L'interférence, monsieur, est arrivé, monsieur! Faites des gros dodo qui puent. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. Le cheval a mauvaise tête, la patinette fuit sous moi. Patinette! Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par des routes blanches et nettes, j'irai plus vite que le vent. C'est beau, hein? C'est Ernest Pirochon. Voyage. Si... je continue. Je dis juste voyage pour que... Voyage d'Ernest Pirochon. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin. Je roulerais de ville en ville. Jusqu'aux murailles de Pékin. Pékin, Péki, Paki, Poku, Péki, Paki, Paki. C'est Paki? Georges Moustaki. Georges Moustaki, c'est tantôt. Je voudrais... Oui, faites la... Attends... Hey, le petit jeune, là. Là, tu mêles le monde, là. Moustaki, c'est après, pas... Voyage. Ernest, mais... Un, deux. Voyage Ernest Pirochon. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond. Parmi les vives hirondelles, qu'on me donne un petit avion. Pas un gros, un petit. Quelque chose pour m'envoler. L'avion d'Ernest Pirochon. C'est pas Ernest Pirochon, l'avion, c'est Voyage d'Ernest Pirochon. Oh bien, excusez, petite détresse d'enfant, dernier Pirochon. Non, c'est pas détresse, c'est pas dernier Pirochon, c'est de moi-même. Voyage dernier Pirochon. Ou bien des bottes de 7 lieues. Je dois répéter, je ne comprends pas le... Okay. Je voudrais une paire d'ailes pour m'envoler au ciel profond. Parmi des vives hirondelles, qu'on me donne un petit avion. ou bien des bottes de cet lieu, car je suis un petit poucet. Un petit poucet. Tout petit, la plate, non. Non, petit poucet. Petit poucet. Tout petit, petit, petit, petit. Au pied des bottes de cette lune, car je suis un petit poucet. Qui voit passer des choses bleues. Comme si l'enchanteur passait. Bon, on a fait passer le jeune comme... comment qu'il disait ça, lui? L'enchanteur, c'était un enchanteur jeuneau. Bravo, on va l'applaudir. Il vient de rentrer dans son magnéto. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo, il y en a. Bravo. Bravo. Bravo, là, c'est quand tu fais ton émission dans la salle de bain, ça... Elle est bouchée, ma toilette. Je sais pas comment... En plus, il y a une concomitance... entre la chasse d'eau et le lavabo. Quand je presse sur la chasse d'eau, ça fait comme une fontaine. Mais sans Brigitte, je m'ennuie de ma Brigitte. Moi, je regarde par le trou de la fontaine, mais je vois personne se promener. À la claire fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Je suis amoureux. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, on a pris des voix enchanteresses pour atteindre ce qu'on ne devait pas atteindre. Mais ce que je voulais... Ah oui, OK. Parfait. C'est merveilleux, dit-il, en tirant la tireline. Tirer la tireline. Expression... uniquement dite à l'émission Errance Rénaldienne, puisque ça n'existe pas. La tirelire, on sait ce que c'est, mais ça n'a pas vraiment ce lien avec ce qu'on vient de... Hein? En parlant de lien, on va vous en faire un lien, moi, là. Je vais parler de Moustaki. Et l'intérêt, c'est comme j'ai un petit mot. J'ai un mal de gorgeon. Je sais pas pourquoi. En faisant des voix migratrices, on peut avoir des problèmes. Comme tout le reste, là, tu sais, des problèmes, il y en a. Il y en a-tu des problèmes dans le monde? Il y en a. Mais là, on va élucider quelque chose d'intéressant. Même pas élucider, vous ne saviez même pas ce qui se passe, là, ce que je vais vous proposer. Georges Moustaki, bon, je vous ai déjà placé comme menu il y a quelques mois que Barbara avait une liaison avec Moustaki, vice-versa, puis Moustaki avait écrit une chanson sur elle, Madame Nostalgie. Chanté par, entre autres, mais qui est popularisé par Reggiani. Mais là, ce que l'on aura sous l'oreille, mais moi, c'est pas sous l'oreille, parce que mes écouteurs, je les mets sur, donc à l'intérieur du tympan. Alors, OK. Ce que nous allons entendre à l'intérieur de nos tympans, c'est une chanson de Moustaki qui s'intitule « La ligne droite », interprétée par lui, à l'époque où il était fou amoureux de Barbara, et interprété par la suite par la muse de Moustaki à cette époque-là, avant qu'il la traîne sur la place publique en lui disant « Tu chantes, je l'ai fait il y a un mois et demi. Écoutez les anciennes émissions, vous allez comprendre ce qui va se passer. Ce qui s'est passé. Donc, j'y vais avec la chanson de Moustaki. Là, vous allez me dire quelle année. Eh, monsieur. Bon, allume tes lumières. 1972 à peu près. Mais 72-73. C'est certain que c'est entre 72-73. Donc, on va dire en 1972 et demi. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi, le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si long? Mes habits ont parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère à l'aube de mes nuits blanches et solitaires. Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites? L'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste. Je sais que tu seras au bout de mes voyages, je sais que tu viendras malgré tous les détours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé. À notre image, je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi, chez toi le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous entrer ensemble à la maison? Tes habits porteront traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui t'ont rendu parfois l'absence plus légère. Oh, moi, mon cher amour, bien sûr, j'ai eu des hommes qui m'ont rendu la vie un peu moins monotone et m'aident à supporter l'hiver après l'automne. On ne s'attend pas d'une ligne droite, tu sais, il faudra faire encore des détours et voir passer des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Nous nous raconterons nos triomphes et nos fêtes, mais comment s'avouer nos superbes défaites, nos doutes répétés, nos angoisses secrètes. Un jour tu seras au bout de mes voyages, un jour tu viendras malgré tous les détours, nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre image. Bon, le mec s'est dégonflé, mais Barbara, je préfère la version de Barbara que celle de Moustaki, mais j'adore Moustaki, là. Surtout, ne m'envoyez pas des insultes, j'en reçois assez comme ça, merci beaucoup. Monsieur le Président! Monsieur les patro-catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone errance rénaldienne. J'ai dit indépendante et non pas indépendante. Quoi qu'on n'est pas loin des deux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, comme ça. Aujourd'hui, c'est pas hier, puis aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, en étant maintenant, c'est le 27 janvier. T'as travaillé fort, ben, moi, gars. Moi, je travaille fort tout le temps, moi. Dans mon sommeil, je travaille aussi fort que dans la vie de tous les jours. Et je me demande pourquoi je suis pas payé quand je dors. Parce que je travaille, hein, s'il vous plaît, autant dans le sommeil profond que dans le sommeil du bonheur, dit le bonheur, dit malheur. Ça m'a l'air que y a pas de compte. C'est vrai qu'il n'y a pas de compte à payer dans le rêve, là. Au moins, il y a quelque chose, là. Quand tu dors, tu dépenses pas. Bon, ben, tu dépenses. Ah oui, tu dépenses de l'imaginaire, là. Tu laisses aller comme le ballon. On va en voyage en ballon dirigeable. On part en voyage en ballon dirigeable. Tout le monde ensemble. On part en voyage en ballon. Nous, nous avons maintenant la chorale. Vous ne croyez pas? On part en voyage en ballon dirigeable. On part en voyage en ballon dirigeable. Les canons, le ouf! Ouf, c'est difficile pour moi. Sauf que quand c'est le regard. Là. Moi, le regard, là, devant les canons de la beauté, il n'y a pas de problème. Amène-moi-en des boulets, moi, les attraper, moi, là. Des boulets pas refaits, là. Des boulets naturels. Oui. Calme-toi. On accueille un ami, un dramaturge, un homme de théâtre, un homme de réflexion. Alors, prenons le temps de l'annoncer, de vous le proposer, car aujourd'hui, le vendredi 27 janvier 2017, les errances rhénaniennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de mon ami Franck Mass, qui a fait des études à l'École nationale supérieure en art. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de 3. Donc, nous allons écouter la suite de la fuite de la semaine dernière. On y va! Oui, je suis prêt. J'ai placé mes petits bonbons à la menthe avec mon petit verre d'eau glacée. Quand tu prends des bonbons à la menthe, ensuite tu ingurgites de l'eau glacée. Ça fait tellement étrange dans le milieu du gorgoton que c'est indescriptible. Essayez-le. Si vous, j'ai de la misère à partir. T'as plus d'eau, t'as plus de moteur, t'as plus d'essence. Mais Franck, lui, va nous illuminer de son intelligence. La preuve. Stop! get your mind. Get yourself together. Hey, there ain't much time. C'est un moment de résonance, en fait. C'est comment... c'est des moments où je... En fait, je sens que parfois j'ai envie d'écrire, j'ai pas besoin d'écrire. J'ai envie d'écrire, je sens que cette sensation s'amorce, et quand je sens la, quand je la sens, j'essaie de, dans le meilleur des cas, de me rendre disponible à ce qui essaye de. Comment te dire ? C'est pas ce qui essaye d'émerger, mais. Parce que ça, rien n'émerge en fait. Je suis. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être comme un grand filet de pêche qui est dans la mer. Et puis quand je remonte le filet de pêche, ben, il y a des choses dedans, quoi. Donc quand j'écris, je suis un filet de pêche. Voilà. Je suis un filet de pêche en fait. Avant que tu arrives au filet de pêche. Mais je me métamorphose en filet de pêche. Oui. Mais avant que tu amènes le filet de pêche, ouais. Je voyais la femme qui accouchait. Donc. Tu vois. Tu vois, dans une de mes pièces là? Non. Ah, parce non, que non, ça, non, tu non, dis non, que c'est non, une de mes création, pièces. En création, ah. La métaphore que je voyais lorsque tu m'en parlais, je disais. Il se prépare à accueillir le... Oui, je me prépare à accueillir, c'est ça. Comme une femme à... Ben, je sais pas, probablement. Faudrait, je sais pas. J'ai pas encore été une femme, peut-être que je serai un jour. Mais peut-être mais... dans mes questions de la fin, on verra où ah, ça... Ah bah, d'accord. Ouais, je sais pas, je suis pas une femme. Les femmes avec qui tu travailles, ouais. Est-ce qu'elles te connaissent ou si c'est par intérêt, le bouche-à-oreille? Est-ce que tu reprends les mêmes... Alors oui, j'ai repris, je retravaille toujours avec les mêmes gens. Donc tu ne les as pas traumatisés s'ils veulent encore travailler avec toi? Ou alors elles sont maso. Ah oui, bah, ça peut être intéressant. Ça. Non, j'ai des... Mais en fait, c'est très intuitif la façon avec laquelle je travaille avec les femmes, avec les gens en général. C'est que la comédienne qui est ma comédienne fétiche, quoi, qui est Raymonde Palsy, que je intègre... Ça va faire la troisième création qu'on fait ensemble là. Bon, là j'ai écrit une pièce où elle a pas le rôle principal. Bon, c'était des monologues et donc j'ai écrit une pièce spécialement pour elle. Ah, ça, je voulais dire. Est-ce que tu écris pour tes comédiens ? Alors, j'ai écrit pour Raymond la pièce qui s'appelle Gêne. Je l'ai écrite spécialement pour elle. Alors c'est un. C'est une déclaration d'amour. C'est ça, exactement. Mais c'est comment elle l'a pris, comment elle l'a... Bah, je pense comme un cadeau et une responsabilité, je pense. Elle devait être touchée. Bah, je sais pas, faudra le dire. Je sais pas. Et lorsque tu écris, peut-être que je l'ai amené un peu tantôt comme propos, est-ce que tu vois des comédiens? Est-ce que tu... Ah oui. Oui. Et si elles disent non? Ben elles disent non. Et tu essaies de trouver quelqu'un, un synonyme, un genre de synonyme de ça? Ben là, par exemple, sur la pièce que je suis en train de créer, je suis en train d'écrire une pièce. Alors c'est une pièce qui n'a pas de texte, tu vas rire, hein. C'est une pièce qui n'a pas de texte, qui est composée de séquences que j'ai écrites comme des synopsis, comme des séquences de cinéma. En fait, je pourrais faire des, qu'on appelle ça, des storyboards. Et c'est une espèce de succession de storyboards comme ça, comme une bande dessinée, mais où il n'y aurait pas de bulles à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça. Quand on prépare un film pour savoir quel cadrage. C'est ça, exactement. Sauf que dans chaque petite séquence, voilà, il y a des choses qui se passent, mais que les mots. Ne peuvent pas. C'est pas que les mots ne peuvent pas, c'est que d'emblée, avec la thématique que j'ai développée, qui est la thématique de l'héritage, de la transmission et de l'éducation que les enfants donnent, que les parents donnent à leurs enfants, il me semblait impossible et hors propos de développer une thématique qui nous concerne tous, véhiculée uniquement par le langage français. Je trouvais que c'était impossible de réduire une thématique à une langue. Enfin, cette thématique-là, j'ai trouvé qu'elle était... Pour moi, c'était inenvisageable de proposer un sujet qui nous concerne tous et de ne le réduire qu'à la syntaxe, à la grammaire et au langage français. Ça me paraissait incongru, enfin impossible. En même temps, Non, je sais pas. En même temps, ce que tu vois comme représentation n'a plus besoin de mots. Alors c'est très drôle ce que tu dis parce que, et là je rejoins mon travail de plasticien, c'est que je vois aussi. Quand j'écris, alors parfois l'écriture, mais l'écriture scénique, je la vois, je la perçois. Et donc j'ai une espèce de, comment on appelle ça, de synesthésie, quoi. Ce que je vois, quand j'écris, je vois ce qui se passe sur le plateau. Okay. Voilà. J'entends les mots, je vois les personnages ou les gens qui y sont. Et justement, en sortant d'une pièce, il y a quelques temps, quand j'étais en train de finir d'écrire ma pièce, je suis sorti d'un théâtre à Paris, et je vois une comédienne, et instinctivement, intuitivement, je vais vers elle. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que je la voie. Et je vais la voir. Je me présente un peu, mais un peu conne, quoi. Un peu gauche, ouais, un peu. Bon, voilà. Et puis je dis que je suis en train d'écrire une pièce et que j'aimerais lui présenter. Voilà. Mais que je ne lui présenterai pas tout de suite, je lui présenterai dans quelques mois. Donc elle était un peu surprise qu'en même temps je m'adresse à elle et que je lui dise on se voit dans quelques mois. Bon, voilà. Et en fait. J'ai mis presque 6 mois à comprendre pourquoi j'avais été voir cette femme. Et au bout de 6 mois, mais ça a été d'une évidence mais absolue. Et au moment où j'ai su que la raison profonde pour laquelle j'avais été voir cette femme, j'ai su qu'en fait c'était elle le personnage principal de ma pièce. Et que c'était elle qui donnait une lecture très particulière de ma pièce. Et que sans elle, ma pièce n'existait pas. Mais j'ai mis 6 mois à le comprendre. Parce que cette femme-là, cette comédienne-là, avec ces particularismes-là, je ne vais pas le dévoiler lesquels, évidemment, ma pièce ne peut exister que par cette comédienne-là. Mais j'ai mis 6 mois à le comprendre. Est-ce que tu peux appeler ça des actes de voyance Non, c'est de l'intuition. Mais j'essaie de travailler de plus en plus mon intuition. Mais tu l'as vu sur scène et... Non, je l'ai vu au cinéma. Ah, ok. Mais j'avais pas de... Je l'ai vu au cinéma, mais voilà, j'avais pas de regard spécial sur... Aucune attente, là, t'allais... Ah non, mais okay. Quand on va au cinéma, non, et qu'on va à l'école, non. C'est qu'à ce moment-là, voilà, dans cet endroit précis, à ce moment précis, il y a eu un truc qui s'est passé, et je me suis dit, bah, ce serait dommage de rater ça, quoi. Et alors ce qui est très très beau, ce qui est magnifique, c'est que je le rappelle 6-8 mois après, et puis on n'arrivait pas à ce qu'elle ait de rendez-vous. Enfin, tu vois comme on a fait un peu aujourd'hui. Je te dis un jour, voilà. On avait nos agendas qui ne marchaient pas, le sein qui changeait tout le temps, et je me dis, ah, c'est super, on n'arrive pas à se voir, c'est bon signe. Et puis on se voit. Et je lui présente la pièce, je lui présente un peu mon parcours en me disant bon, j'y vais sans parachute. Sans attendre. Ah si. Ok. Ah moi j'attendais vraiment qu'elle me dise oui. Ok. Ah non mais j'étais là pour la. T'étais blindé, là, t'étais prêt. Comme on dit, il y a une chanson d'un Québécois, tu étais loadé comme un gun. T'étais vraiment là, ton fusil était armé, il était prêt. Je fais exactement l'inverse. Ah, ok. C'est que je ne montre jamais que j'ai envie des gens. Ils le comprennent. Mais je lui laisse le temps de qu'elle me choisisse moi. Pas moi, mais qu'elle choisisse le projet. Apprivoiser. Ouais, c'est-à-dire, en fait, c'est ça. C'est apprivoiser les gens. Et c'est très simplement essayer de leur donner confiance. Le balayeur. faisant des vautours autour. Bye bye. Le balayeur, balayeur. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Ils ont créé la coopération pour monter dans cette situation. création. Ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre. Ça la vie de nos frères ne compte pas pour cette bande de vampires. Stiggy dam da roi, stoppons les guerres, gardons la foi faillard. Surtout les chefs d'État qui nous envoient tuer nos bladards. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne partagent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. Généraux aux commandes, on en veut plus. Des enfants militaires, on veut plus. Des orphelins de guerre, on en veut plus. On en a marre, l'Afrique en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. Moi, je leur donne confiance. Voilà. Je pense qu'un projet sans confiance, c'est un projet qui est avorté. On peut croire au projet, mais s'il n'y a pas une confiance dans le metteur en scène, le projet, il restera un projet. Et c'est à toi de surenchérir ou de surinvestir un personnage, un projet pour l'enrichir. Et si, mais tu peux être simplement porté par un projet et élevé, porté par le metteur en scène aussi. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors toi, tu es le flambeau de ton œuvre, c'est toi qui amènes l'œuvre, c'est toi qui sais où tu veux aller avec, et ouais. Tu amènes les gens qui te suivent à mettre, à générer ce que tu as comme idée, c'est ça. Ouais. Mais... Et en fait, ce sont moins... Alors, les acteurs, enfin pour moi, les acteurs, ça porte aussi une idée, ils portent aussi une idée du spectacle. Et je ne peux pas imaginer un spectacle. Enfin, un spectacle, c'est pas un metteur en scène et un comédien, hein. C'est pas ça un spectacle. C'est la sponsor du spectacle. Non, non, okay. c'est des techniciens, c'est des gens du théâtre, okay, okay, oui, c'est oui. Des éclairagistes, c'est des transporteurs, et que... Si moi je crée pas une espèce de mousse de bienveillance autour de ces gens-là, moi je travaille pas avec une comédienne, je travaille avec un éclairagiste, je travaille avec des techniciens, je travaille évidemment avec des comédiens, mais je travaille avec un compositeur, je travaille avec des vidéastes, je travaille avec des gens qui vont me construire ma scénographie. Et que... Mais parce qu'il faut fédérer autour d'une idée, il faut fédérer autour d'un spectacle. C'est comme une troupe. Et que tous les gens sont tous les gens sont essentiels, quoi. Et que si j'ai le transporteur qui s'entend pas bien avec le, moi, je vais en souffrir. Donc si j'en souffre, je vais probablement devoir la dissimuler pour essayer d'être bien avec la comédienne. Mais la comédienne, du fait de son hypersensibilité, va le percevoir, donc ça va la déstabiliser. Donc c'est comment un spectacle, il doit être... C'est la construction d'une maison, quoi. Dans une maison, bah, y a un plombier, il y a un chauffagiste, il y a des maçons, il y a un électricien, il y a le mec qui va s'occuper du toit, il y a le terrassier, il y a le jardinier, et ben voilà. Bah, mon projet, c'est une maison sur un terrain, et il faut que tous les gens qui participent à la construction de cet édifice-là se sentent à leur place, valorisés, investis et aimés. Et toi, tu essaies de Moi, mon travail, c'est de donner confiance. C'est de gagner la confiance des autres. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend? Probablement. À quel moment tu as su que tu étais doué pour ça? Je ne sais pas si je suis doué. Puisque tu as des gens qui se sont associés à toi. Tu vends bien tes projets, ou tu sais transmettre la passion de tes personnages aux comédiennes? Mais j'essaie d'être très très à l'écoute de ce que peut ressentir le comédien. Et en même temps, je lui laisse très peu de place en tant que personnage, en tant qu'individu. Je le canalise. Mais c'est dans ce canal-là que moi, j'ai eu des merveilles, quoi, mais des choses mais sublimes. À en pleurer. Des interprétations de Raymond, mais qui sont rien à envier à cette sublime Isabelle Huppert. Pour moi, elle est aussi douée qu'Isabelle Huppert. Elle est aussi à l'écoute, elle est aussi modeste, aussi investie, aussi folle qu'Isabelle Huppert, avec laquelle j'adorais travailler. Mais voilà, moi, c'est mon Isabelle Huppert, c'est Raymonde. Et lorsque tu... Raymonde est l'autre comédienne qui va arriver. Oui, qu'on ne peut pas nommer. Non. Mais lorsque tu te mets en mode création, est-ce que ça peut s'arrêter à plusieurs moments donnés pour éventuellement à la fin de l'année ou à la fin du projet? Ou si tu te consacres entièrement à l'écriture pour le pondre? Rénald, tu sais, je m'occupe de tout. Je fais la production, je fais l'administration, je fais la diffusion, je monte les dossiers, je fais les budgets. C'est épuisant. C'est enrichissant, c'est épuisant. C'est prenant, ouais, c'est usant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je m'arrête, oui. Je m'arrête, je reprends, je fais des césures, je reprends. Parfois, il y a 6 mois où je ne peux pas écrire parce que je n'ai pas l'état d'esprit. Mais dès que là, pendant une semaine, j'ai fait que écrire. J'ai fait qu'écrire. J'ai écrit 5 lignes par jour. C'est tout. J'écris, ouais, 3 lignes. C'est tout. Et puis, mis bout à bout, ça fait un truc. Voilà. Que je retravaille, que je recoupe. À quel moment tu me dis, là, c'est assez, on s'arrête, puis on commence à... Ah, ça, je ne sais pas. C'est très... C'est comme un peintre, là, qui, à un moment donné, arrête de mettre la couleur. En fait, j'aime bien l'idée qu'un texte peut être perfectible, mais je pense que j'ai une espèce de trouble en moi qui fait que j'ai pas envie qu'à un moment j'ai envie que mon texte ne soit pas perfect. Enfin, je sais qu'il est perfectible, mais qu'il y a un moment où j'ai envie qu'il reste pas bancal, mais en fait c'est comme si je faisais un mur. Et j'ai pas envie que ce mur soit hyper blanc. Je laisse avec de l'imperfection. Voilà. Enfin, je sens qu'il y a des trucs que je peux faire et que en même temps, c'est ce qui fait que ça me gratte. Vraiment, ça me gratte. Mais je me dis. C'est beau comme ça. Non, c'est un peu pervers pour moi, okay. De la part. C'est une espèce de perversion que j'ai. J'ai pas envie qu'il soit bien beau, bien propre. J'ai envie qu'il soit un peu crasseux. C'est comme du Tom Waits. On sait que Tom Waits chante de cette façon-là. On sait que c'est étrange, mais c'est beau. Ouais. Tu connais Tom Waits? Oui, magnifique chanteur. Alors, mais il y a un truc qui gratte, ouais. Et j'ai pas envie que ce soit un joli produit bien fini. J'ai envie qu'il y ait des... J'ai envie que ça gratte. J'ai envie qu'il y ait des... Ça coince quelque part, tu vois. C'est comme une coulisse de peinture qu'il faut garder parce que... Voilà, c'est un peu ça. Et il y en a qui font leur carrière là-dessus. Ben oui, bien sûr. Il y a Cy Twombly qui a fait toute sa carrière sur les sublimes des goulinures. Mais qu'est-ce que tu as... Lorsque tu as commencé à écrire jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois le fil conducteur? Oui. OK. Alors, je l'ai vu dernièrement, tu veux dire, sur les écritures, sur oui. Alors, c'est très drôle ce que tu dis, parce que j'ai refait une espèce de petit bilan de mes créations. Oh, et ouais. Pour faire une bio, voilà, et qu'il fallait que je mette des visuels de mes créations dans ma bio. Et donc j'ai dû mettre des photos de mes précédentes pièces, et en fait j'avais l'impression que c'était une seule et même pièce que j'avais faite. En combien d'années ? Depuis 2006. Et après il y a des ruptures, il y a des choses qui... Mais il y a une espèce de chose... Continuité. Ben ouais, c'est marrant, une espèce de patte, quoi, une espèce de... Mais que je ne maîtrise pas, hein. Je ne maîtrise pas du tout, mais il y a... Et Dieu merci. Ben, j'en sais rien, je ne sais pas qui est Dieu, tu me diras qui c'est si tu me le présentes. C'est une expression. Ah ben si c'est qu'une expression, ça va. On va laisser... Mais ouais, ouais, c'est marrant, ouais, c'est marrant, c'est drôle. Hein. Mais en même temps, est-ce que tu peux le vivre sans le théâtre, sans... Aurais-tu pu vivre sans ça? Ah non. J'aurais été très très malheureux. Tu as senti l'urgence de... Ah ben je serais mort, je pense. Suicidé? Ah oui. Ta l'âme Pas du tout. Okay. Pas du tout suicidé. Non, pas du tout. Ben non, parce que je suis heureux. Oui, mais grâce à ça? Ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que je serais mort. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Pour t'éviter du suicide. Ah non, non, mais je ne suis pas dans une perspective de suicide. Non, non, non, je ne suis pas du tout dépressif. Non, hein. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, on ne va pas appeler... Non, non, non, non, non. Freud, reste couché, s'il te plaît. Non, non, mais non, non, je ne suis pas du tout... Hein, pas du... Mais non, je ne peux pas être dépressif pour la simple et bonne raison que je suis perpétuellement enthousiaste et perpétuellement émerveillé. Ya.

c'est l'heure de te quitter. Tout le temps. En fait, t'es un enfant. Ah ben j'espère, oui. Un enfant qui a quand même la tête bien vissée sur les épaules et les pieds sur terre, mais j'ai la tête au niveau des stratus là. Je suis dans la stratosphère, là. Mais j'ai les pieds solidement ancrés sur le sol. Hein. Tu t'émerveilles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au téléphone tout à l'heure, tu m'as dit j'ai mon amoureux oui. qui est français, qui a été vivre à Montréal, oui. qui a eu sa citoyenneté canadienne. Oui, il y a 2-3 mois. Hein. Et que éventuellement tu allais vivre là-bas. Peut-être, on verra. Pourquoi? Bah parce qu'Olivier a des peut-être une opportunité de travail pour partir travailler à Québec. Dans la ville de Québec? Oui, oui, oui. Ah ok. Je suis de Québec. Tu es de Québec? Oui, c'est KRL. Hein? Et la première, c'est KRL, ma radio. Ouais. Okay? C'est la première radio associative francophone au monde. C'est vrai? Alors, je vais t'expliquer. D'accord. Une radio associative, c'est une radio libre. D'accord. Elle est née en 74. Ouais. Elle a fait à Paris, en France, des Carbone 14, ouais. des Supernana, des ouais. La Fesse et tout ouais. ce monde-là. Mais on est venu ici avec notre expertise, notre savoir-faire D'accord. et notre visibilité éclatée ouais. pour implanter cette radio-là. Aujourd'hui, il y a la radio libertaire. Oui, ben, j'y suis allé il y a un mois et demi. Je faisais une lecture à Radio Libertaire. C'est... Rue de la Roquette, là, à côté de... Ça vient de nous. C'est vrai? D'accord. C'est une radio D'accord. qui a été le déclencheur de tout ce phénomène radiophonique où on laisse la folle création s'émanciper. Oui, c'est bien. C'est de plus en plus rare. Mais toi, tu fais les navettes entre le Québec et Paris? Non. Navette est quand même exagérée. C'est une fois par année. D'accord. C'est normalement le premier vendredi du mois... le dernier vendredi du mois de juin. Et D'accord. je repars le deuxième samedi du mois de juillet. D'accord. Donc en fait, tu fais tes courses d'interviews d'artistes ouais, ben, à j'en Paris. J'en ai un qui m'a dit... J'ai un garçon de bord qui m'a dit... Tu rentabilises ton voyage. Parce que, je vais t'expliquer ce qui se passe, c'est que CKRL est une radio libre. Ouais. Donc, une radio qui n'est supportée de personne, ouais. sauf les gens qui sont membres de CKRL, ouais. le gouvernement qui donne 3 fois rien, ouais. et des donateurs, des gens qui nous ouais. écoutent et qui adorent la visibilité qui n'est pas celle des radios traditionnelles, D'accord. et même la radio d'État. D'accord. En s'interne plus qu'elle était. Mais donc, en fait, là, l'interview qu'on est en train de faire, tu l'enregistres? Non, moi, c'est des rencontres radiophoniques. Parce que moi, je peux pas. Je suis pas un journaliste, moi. D'accord. Mais là, tu enregistres tout ça? Oui. D'accord. Et tu vas faire un montage ou tout ça? Ou comment tu vas oui, faire? Oui et non. Parce que moi, j'ai une émission de variété. D'accord. Et à travers ça, j'ai un plancher. Le plancher, c'est mes rencontres parisiennes. Oui. Et je fais un montage, oui, mais pas un montage au niveau des... du propos, mais au niveau des séquences. D'accord. C'est-à-dire que... Je comprends que... pas bien. OK, mais c'est ça, c'est très facile. Et c'est là que je t'explique. C'est que lorsque je plante mon micro et on dit bonjour, il ouais. n'y a aucun montage. C'est-à-dire, je fais pas de coupure. Si le cellulaire sonne, je laisse aller. D'accord. Et je dis à l'artiste, au créateur, fais-toi-en pas, je fais un montage. Mais il n'y en a pas de montage. Donc, on sait tout ce qui se passe. Et avant cette première... audition de l'invité, ok? J'ai 25 à 30 minutes d'improvisation. D'accord. C'est KRL. Oui. Oui. Cultive tes goûts. Oui. 89.1. Oui. Mais j'ai ma carte, je vais te Ah préparer. Oui, je viens. Ouais, et l'intérêt, plaisir. C'est que au début de l'émission, la locomotive, c'est mon improvisation. D'accord. Ça peut être basé sur n'importe quoi, Mais l'improvisation et l'absurde, parce que moi c'est l'absurde, c'est pas n'importe quoi de l'absurde. Ouais. C'est pas parce que tu comprends pas certaines choses que c'est du n'importe quoi. Je crois pas au n'importe quoi. Je crois un moment... Ah si, il y a du n'importe quoi. Mais l'absurde, c'est pas forcément du n'importe quoi. C'est même très loin ben, du n'importe quoi. C'est peut-être un manque de décodage. Mmh. Où on attribue ça au n'importe quoi. Le n'importe quoi est large. Hein? C'est pas parce que tu comprends pas un principe que c'est n'importe quoi. C'est parce que tu n'as pas les instruments ou que tu n'es pas préparé ou ouvert à accueillir tout ça. Le n'importe quoi est très très rare. J'en connais pas beaucoup de n'importe quoi. Mais alors, du coup, je suis quand même très surpris que tu fasses appel à moi. Pourquoi? Parce que je suis pas connu. Puis, pas besoin d'être connu pour être intéressant. Non, mais. Je comprends pas pourquoi tu es venu vers moi. C'est ça, je comprends pas. Tu es venu vers moi. On est amis. Via Facebook. Oui. Voilà. Il me semble que c'est grâce à une amie en commun, Anne Rebeschini. Oui. Tu la connais, Anne? Oui, je la connais. Tu l'as interviewée? Pas du tout. D'accord. Je crois que c'est par l'intermédiaire de Anne. Oui. Les amis communs. Ouais. Exactement. D'accord. Le théâtre, c'est quand même un monde... Il y en a plein de gars Facebook qui font du théâtre. Mais j'en ai rencontré plein aussi. Ah bon? Oui, j'en ai rencontré plein. Qui sont probablement d'être plus intéressants que moi. Non, tout le monde se dit ça, c'est épouvantable. En fait, écoute, l'intérêt, c'est de proposer aux auditeurs et auditrices québécoises la variante, la variété de ce que nous pouvons trouver dans le monde francophone. Mmh. Le monde francophone, c'est pas juste Johnny Hallyday, là. C'est pas juste avoir bien Céline Dion. Ça, c'est rien. Ça, il faut oublier ça. Il faut prendre les gens qui travaillent dans l'underground. Et moi, j'adore l'underground. Parce que c'est l'underground qui éclaire aujourd'hui ce que l'on est. Mais c'est pas parce que t'es pas connu que t'es pas intéressant, au contraire. Non, mais je sais bien, mais comment t'as pu sélectionner mon profil sur Facebook parmi centaines de... Je sélectionne pas, moi. Moi, j'envoie des invitations. D'accord. On refuse, on accepte. D'accord. Tu as accepté. Ben oui. Très content. Très heureux. Je te connaissais parce que je suis allé lire de tes textes, je suis allé chercher des informations, je suis allé voir des vidéos, L'intérêt, c'est ça, c'est de se préparer. Et des fois, j'ai 12 mois, des fois, j'ai 2 mois, des fois, j'ai 3 jours, des fois, j'ai 2 heures. Mais c'est pas grave, on est dans la rencontre, on discute. Je vois quelqu'un dans la rue, puis on peut commencer à parler. Et c'est comme ça que la rencontre commence. C'est-à-dire que c'est les mots qui vont faire en sorte que on va s'ouvrir ou se fermer, on va poursuivre notre chemin ou on va s'arrêter. Il faut pas non plus se scléroser à proposer des gens qui sont très connus, qui ont beaucoup de méconnus. Évidemment qu'il y a beaucoup de méconnus. Bon, mais en même temps, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout créateur a quelque chose à dire. Monsieur tout le monde a beaucoup de choses à dire. Même si t'es pas un artiste. Et quand tu vas à une certaine époque, on allait dans les églises et c'était sur le palier de l'église, on pouvait entendre les gens. Là, c'est dans les supermarchés, c'est dans les... Parce que les gens ont besoin de parler et le créateur, c'est celui qui capte et qui met à sa sauce ce qu'il a entendu. Et chacun a des variantes différentes. C'est pour ça que ça peut devenir de l'absurde, ça peut devenir un drame, une comédie. Et l'important, c'est de s'en... Il y a combien de temps que tu fais de la radio pour CKRL? Ben, en fait, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. D'accord. J'ai arrêté 22 ans. D'accord. J'en ai 50. Et donc, mes émissions actuelles existent depuis à peu près, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui font des émissions et qui célèbrent leur 500e. Mais moi, pas vraiment. Moi, quand j'ai commencé à travailler, parce que c'est un loisir, c'est pas mon travail, parce que je peux pas en vivre. C'est moi qui paye mon voyage, c'est moi qui va payer ton café. Ah ben non, Mais c'est moi qui paye, et non pas ma radio. D'accord. Les gens s'imaginent, il y a des chanteurs, des chanteuses, des acteurs. Ok, c'est sa radio qui l'amène, pas du tout. Non, c'est moi qui fais mes recherches. J'ai pas de recherchiste, c'est moi qui fais mes trucs. Alors ça prend 12 mois. Et le bouche à oreille, il y a des gens qui vont me parler. Ah oui, ben j'ai rencontré ce chanteur-là. Ok, je vais faire ma rêve. Et je lui demande si je peux pas le rencontrer suite à une rencontre avec blablabla. Et donc, qu'est-ce que tu disais, non? Il y a combien de temps, tu sais? Ah oui, oui, à peu près. Ben c'est ça, comme moi, je compte pas vraiment. Entre 12 et 14 ans. D'accord. Et ton job qui te fait manger, c'est quoi? Ben, moi, j'ai travaillé 28 ans de nuit dans le quartier chaud de Québec, dans le quartier de la prostitution et des junkies, tout ça. D'accord. Limoilou, c'est carré, est juste à côté, au coin de la 4e avenue. Ah, mais je connais pas, moi, non, je connais pas Montréal, je connais pas. Parce que tu vas connaître. Au coin de la 4e ouais. avenue. Ouais. Et la 3e rue. Non, la 3e avenue et la 4e rue. D'accord. Moi, je travaillais à côté, ESO, qui était commis de nuit, caissier. Et donc, j'accueillais, parce que la nuit, c'est la fosse, c'est les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris, et je le sais. N'oublie jamais personne. N'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blotti au creux des bras. Pour reposer l'Amazon, lécher ses hématomes, remettre un peu de baume au cœur du cyclone. Caresser du encore, seras-tu là, dit-elle alors. Elle dessine dans la baie une lance enflammée, mais où est la beauté? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. Pour reposer l'Amazon, lécher ses hématomes, remettre un peu. All them niggas that did all that time, they know how I get there. When I come in, straight up. Rio's all them niggas salute me. They, listen man, niggas see that, niggas be like, yo, let them through, that's a made nigga right there. That's a man, and he gon' punch you in your mouth if you say something slick. You see these shits right here? I'ma die with these all day. Yeah. Shotty with the drum, body on the gun. Everybody got a body where I'm from. Niggas across town heard the shotty when it rung. I rock the ostrich SBs, bottom of them gum. Machine bitch, I'm from the bottom of the slum. Look, the nigga breathe wrong, so I shot him in the lung. The silencer was on the nozzle of the gun. I shot him on my Ducati, hit the throttle when it vroom. I sip the bottle till it's done. I played your new shit, then I promise it was flung. Out the window of the Mozzie, let's be honest, I'm the one. Everybody get a drum, I'll buy this shit for fun. I've been this dude since she was still in school, getting ridiculed. 22 for my tennis shoes. I told Monk, you niggas fool. I'm not impressed with your little moves, that shit is minuscule. Why you on the internet ranting, throwing subliminals? I'm calling blue money, your bitch with me, she in the nude. Frontin' like, you that nigga getting it done here. With them bullshit chains, I wouldn't let my son wear. It's a lot of kings, but it's only one here, and that's me. Actually, nigga, this shit is unfair. The way I body shit in the booth, you couldn't compare. So many straps, my living room is looking like a gun fair. Conway. Yeah. Uptown, up in your area, causing mass hysteria. Youngin told me got the Mac up in his backpack. Never pump crack, but kicking doors was his cash rack. Wrapping up these niggas, he won millions off of Glad Rap. I just won a million off of ASCAP. Past that, you ever had peace out in Italy? Ever had breakfast up at Tiffany's? I could rock a show up in London on any street. I'm in Sydney with Sydney at the symphony. Light another Christmas tree. Backwoods stuff, we don't give a fuck, cause we from Buff, run them up, fuck the season up. Tryna get that spring money just to get ahead. Ballin' with that fall money, sure to hit your head. In my Issey Miyake, nigga, I'm so ignorant. My due diligence to pick apart pretenders with my penmanship. Grow with the OGs, kept it militant. Dancing in Margiela on my nigga shit. Nigga, what? I be dancing in Margiela on my nigga shit. Kicking it, ripping it, hope you niggas feeling it. Nigga on my Issey Miyake, nigga, I'm so ignorant. Issey Miyake, nigga, I'm so ignorant. Due diligence to pick apart pretenders with my penmanship. On my nigga shit. Zelda in this motherfucker. Errance rénaldienne sur CKRL-NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Think about woman is the middle of the world. Think about it, do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love, if she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me, take a look at the wall, you will. Woman is the slave of the slaves. Oh, yeah. Better scream about it.

rêver, y a un cœur isolé qui s'avance, ces deux cœurs on dirait deux danseurs d'un ballet qui s'élancent, ils s'approchent, ils s'écartent, ils se croisent, ils repartent et ils dansent. Mais un jour, sur la pointe des pieds apparaît, et glissant comme sur du velours, le plus grand des maîtres de ballet. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, et l'amour réunit les deux cœurs épanouis qui s'élancent, moulinés battements, pas de deux tout le temps, comme ils dansent, comme ils dansent. Les sourires et les joies tambourinent chaque fois en cadence, déchaînés, passionnés, martelés, apaisés, ils s'avancent. C'est alors qu'un troisième appareil de même, il s'avance, on l'appelle joli cœur, il sépare les deux cœurs en silence, grand écart et défi, volte-face, jalousie qui commence, et puis tout recommence, il y a deux cœurs qui s'élancent dans la danse. Possession et passion, un cœur tué piétiné, et puis tout recommence, il y a deux cœurs qui s'élancent dans la danse. Ils étaient droits au rendez-vous, qui se regardaient les yeux fous. Ils étaient trois au coin de la rue, mais l'un n'était pas attendu. Ils étaient trois qui savaient bien que l'un d'eux tenait dans sa main de quoi faire d'un ciel de mai, un ciel de deuil à tout jamais. Un, deux, trois, un secou maman, ou un nouveau roman, d'un autre prend la place. Un, deux, trois, qu'un seul bras tendu peut laisser étendu parmi les gens qui passent. Ils étaient droits au rendez-vous, ils se regardaient les yeux fous. Ils étaient trois qui savaient bien que tout tenait dans une main. Comme je l'aimais, comme elle m'aimait, que de belles heures songeait celui qui venait du passé. Comme je l'aime et comme elle m'aime, seul avoue bien qu'on meure, songeait celui qui l'avait remplacé. Ils étaient trois au rendez-vous, ils se regardaient les yeux fous. Ils étaient trois au coin de la rue, mais l'un n'était pas attendu. Et celui-là savait très bien que le passé n'y pouvait rien, que l'avenir est le plus fort, que tout et que la mort. Et soudain le bras s'est baissé qui pouvait arrêter un amour près de naître. Le bonheur peut encore danser cette vie chantée qui pouvait ne plus être. Ils étaient deux au rendez-vous qui s'en allaient heureux et fous vers leur soleil, sans voir celui qui revenait seul dans sa nuit. pushing on the highway, play, and down the blacktop, getting on the highway all day long. I don't stop, getting on the highway, blasting through the bedrock, getting on the highway, working on the highway. Woo-hoo. I met her at a dance down at the Union Hall. She was standing with her brother's back up against the wall. Just a little girl, she don't know nothing about this cool, cool world. We lit it out down the Florida, we got along all right. One day our brothers came and got her, and they took me in a black and white. The prosecutor kept a promise that he made on that day, and the judge got mad and he put me straight away. Every morning to the work bell climb, me and the warden go swinging on the Charlotte County road. I'm working on the highway and down the blacktop, getting on the highway all day long. I don't stop, getting on the highway, blasting through the bedrock, getting on the highway, working on the highway. I'm working on the highway and down the blacktop, getting on the highway all day long. I don't stop, getting on the highway, blasting through the bedrock, getting on the highway, working on the highway.